Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Et pour nos amis anglophones, ils sont très nombreux à nous écouter. Hello, this is Prog à part, the progressive program in Lyon, France. On a démarré avec les remixes, les remasters de Pink Floyd, ceux qui ont défrayé la chronique fin 2011 avec un Wish You Were Here double, Wish You Were Here double, album à l'origine sorti en 75, et je vous ai passé le morceau éponyme Wish You Were Here avec la fameuse partie de violon de Stefan Grappelli. J'avoue, j'étais un petit peu déçu, comme je disais à mon compère Olivier, qui est à ma droite. Le grand violoniste qui est Stefan Grappelli fait une partie de violon qui a une couleur jazz. Et je trouve que cela se marie très mal avec ce Wish You Were Here. Donc, réédition de Pink Floyd, de double CD. Ensuite, un double CD également, une réédition tout à fait bienvenue de Colosseum 2. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le Colosseum 1, à part le batteur John Hisman, qui était le pivot central, de un peu comme Portnoy dans Dream Theater. Et donc, ça n'a pas grand-chose à voir avec Colosseum 1. C'est un peu plus proche de Manfred Mann, et c'est pas pour me déplaire. Avec du chant, même si le morceau ici était uniquement instrumental. Avec Don Airey au clavier, qui a joué avec Deep Purple, n'est-ce pas Olivier ? Et avec Gary Moore, Guitar Hero, qui nous a quittés il y a un an. Dans un album vraiment très sympathique, vraiment presque plus que sympathique, Strange New Flesh, ça date de 76, donc un an après. Et d'ailleurs, le morceau que je vous ai passé est un clin d'œil à Pink Floyd, puisque c'est The Return of the Dark Moog, ou quelque chose de ce style. Donc, il y a un jeu de mots sur Moon et Moog. Donc, on a démarré avec cette édition de nos amis de chez Esoteric, Colosseum 2, Strange New Flesh. On continue avec une nouveauté d'un deuxième album d'Alias Eye. Alias Eye, c'est des Allemands. In Between, et ma foi, c'est bien troussé. Ça vient de sortir, c'est de 2012. Alias Eye. On a cloud of uncertainty, hazy, the mists obscure my mind. The light that once was mine, it has left me once again, hoping for the stars to fall. Searching far and wide for a sense of me, falling to depths I can't define. The things we thought were real, they have lost their hidden glow, waiting for the stars to fall. Inside.

C'est bien ça, hein, ces petits Allemands de Crystal Breed. Crystal Breed, si vous préférez. Crystal Breed, premier album de Place Unknown, l'endroit inconnu. Cet Allemand, ça vient de sortir 2011 et c'est toujours de ce style, donc un mélange savoureux d'invention, de mélodie et de pêche. J'avoue que la première écoute de l'album, du premier album de Thomas Glöckler, qui est également allemand, un album intitulé Goldstadt, la ville dorée, j'avoue que j'ai pas vraiment accroché. J'ai dit ouais, bon, ça chante en allemand. Bon, c'est vrai que j'ai eu quand même une passion pour Novalis et Anyone's Daughter, donc c'était peut-être pas forcément la langue qui bloquait. Mais bon, le début de l'album a du mal à décoller. Et puis j'avais posé le disque, et puis j'ai dit bon, j'y reviendrai. En préparant l'émission, j'y suis revenu et j'ai fait ce que je fais souvent. Je suis allé directement à la moitié du disque et j'écoutais. Et là, alors, pouf, le grand flash, le grand pied, comme disait mon ami Jeff, c'est superbe. Ça rappelle le meilleur Anyone's Daughter, justement. Ça rappelle également, puisque Anyone's Daughter ressemblait à Steve Hackett, ça ressemble à Steve Hackett du début, donc très genesisien, guitare fluide, une démarche plus de groupe qu'une démarche de solo, de la flûte, des claviers, c'est superbe. Et je le prouve tout de suite avec trois morceaux extraits de ce Goldstadt, Thomas Glöckler. gekommen war. Die Hauptstraße war schon geräumt und es war ein heißer Tag und zwar noch am Vormittag. Und mit dem ersten Zug von Wiener. Noch am Vormittag hat es da schon so bestialisch gestunken. Das war von den Leichen, die unter dem Hunger lagen. Und im August 1945, dann war ein manche Schutthäufung, da war ein Kreuz unter der Tafel, da stand drauf, hier liegt die Familie, da kam mit dem Namen, mit den Großeltern und den Kindern. Alle haben die Namen aufgeführt. Das war mein erster Eindruck, wie ich einfach mit dem Foto sah. Sanguine Hum, nouvelle formation britannique. Premier opus publié par Esotérique, intitulé Diving Bell. On continue avec le deuxième album des Suédois de Gösta Berlings, Saga. Souvenez-vous, ils avaient eu l'honneur d'une chronique et d'une interview dans le dernier Acid Dragon. Voici donc leur deuxième opus édité par nos amis de Cuneiform, Gösta Berlings, Saga. Costa, Berlings Saga. Je m'aperçois que j'ai zappé le titre de leur album Glue Works. Voilà, pour les amateurs de l'avant-garde, c'est ma foi fort bien foutu. Et je dirais la même chose pour Cheer Accidents, un groupe que j'aime beaucoup parce que ces Américains avaient eu la bonne idée de venir en concert à Lyon il y a à peu près 2 ans de mémoire. Et voici qu'ils réitèrent après un album sorti l'année dernière, il y a 2 ans exactement. Donc ils réitèrent avec un nouvel album, je vais y arriver, qui s'intitule No Ifs Ands Dogs, or dogs, no ifs, ands, or dogs. Il y a plein de jeux de mots là-dedans, je pourrais pas tout vous traduire, mais c'est toujours aussi intéressant, aventureux. Les amateurs de King Crimson retrouveront leur petit, et c'est pour moi un beau compliment. Voilà, c'est édité par nos amis, une fois de plus, de Cuneiform, Cheer Accident. plus ce que c'était, avec tout d'abord un petit kayak que je vous ai déniché, que j'avais pas, et que j'ai déniché lors d'un voyage à Paris, The Last Encore. Ça date de 76, The Last Encore, le dernier encore, le dernier bis. Et donc, vous verrez, ceux qui connaissent pas Kayak, c'est pas un groupe révolutionnaire au niveau des morceaux, c'est des morceaux assez courts. On ne peut pas s'attendre à des grandes suites, même s'ils ont fait des albums conceptuels, mais globalement, c'est des morceaux de 5, 6, 7 minutes, grand maximum. Mais une mélodie superbe, c'est un groupe qui est considéré un peu comme le Kamel hollandais. Et donc, je vous propose deux extraits, coup sur coup, j'ai eu du mal à choisir, et tellement les deux étaient superbes, deux Kayak, Land on the Water and The Last Encore. Tout de suite, Kayak. Yeah.

I got a better idea last night, so I took my Ford down to the kitten's corner. Waitress was saying, cigars, cigarettes, banana peels. Banana peels, that's the latest kick these days. Red Jones swears he saw one of the long-haired freaky people in a Winn-Dixie supermarket with a banana peel. He says, hey man, how about a refill? Dr. Domrose, boom, boom, the funny DJ, boom, boom, boom, boom, boom, floats the jokes right down the drain. Boom, boom, boom, boom, boom. First time I heard this one, my left ear fell off. The Turtles, happy together. Happy? I'm ecstatic. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. C'est toujours Progapart, l'émission du rock progressive. You're listening to Progapart, the progressive program in Lyon, édition mars. Voilà une histoire bien curieuse que celle des Pretty Things et de leur album concept SF Sorrow. C'est un album qui a été enregistré, écoutez bien, avant Sgt. Pepper's. Et pour des raisons financières et commerciales, le disque est sorti juste après. Et du coup, il s'est fait voler la première place en matière de premier disque concept. Mais c'est bien du psychédélique concept, l'histoire d'un homme, SF. Et donc, c'était vraiment avant-coureur. Dommage pour eux, vous avez vu que c'est très intéressant, même si ça n'a pas la qualité, n'est-ce pas, Olivier, des Fab Four. On termine, et oui, tout doucement, parce que il va pas tarder à être bientôt l'heure, avec une petite vieillerie. Voici un groupe britannique qui, même s'il ne fait pas du prog, s'en est souvent très rapproché, même s'il n'y a pas de clavier ou très très peu, est quand même très proche du progressif. Je veux parler de Wishbone Ash. Wishbone Ash, oui, tout le monde connaît Argus, superbe album, cher au cœur des progueux. J'ai trouvé à Paris Wishbone 4, l'album qui est sorti juste après. Et même s'il n'a pas la qualité d'Argus, il y a des bonnes choses à glaner, dont acte. fathom how. Where's the time to hold your hand, to dry your tears, change them to sand? Anywhere there's a lonely sand, rooting for tears, come to sand. Here we come. Je passe pas souvent des lives, je sais, mais bon, reconnaissez que quand j'en passe, c'est quand même franchement bien. Grobschnitt, ils nous ont enchanté, moi et mon collègue Olivier, avec ce live. Grobschnitt, grande figure du prog symphonique allemand. Un live mystérieusement passé inaperçu et qui est sorti en 2010. Olivier, c'était franchement bien. Hein mmh. Ouais. Le pied total. Alors, on termine avec annonce de concert. Donc, eh bien, on a noté sur nos tablettes Epica. Epica qui sera dans nos murs le 13 avril au Transborder. Et Nightwish qui seront le 20 avril à la Halle Tony Garnier. Tu as quelques commentaires à faire ? Non, on est nombreux. Voilà, et puis quelques mots sur ce groupe lyonnais bien sympathique que votre ambassadeur a vu en concert il y a de ça 15 jours, si pas de bêtises, et qui s'intitule Candide avec un Q-Q-A-N-D-I-D-E, et un trio de jeunes musiciens, donc ils ont une trentaine d'années, et qui font du progressif à la française, proche de Ange. Donc que du bon, un monde poétique à souhait, une histoire d'une marionnette qui est endormie au fin fond d'une roulotte et qui se réveille. Un trio basse, batterie, guitare et chant, qui mériterait d'avoir quelques claviers ou autres instruments pour élargir la palette sonore, mais je pense que ça va venir. C'est des petits jeunes qui ont beaucoup de talent et un avenir devant eux. Voilà, prog à part, c'est fini. Grâce à l'ami Jean-Louis, on lui fait coucou. Eh bien, vous retrouverez cette émission sur le podcast de prog à part as soon as possible. J'attends le coup de fil de l'ami Michel qui ne saurait tarder. Et puis moi, ainsi que mon ami Olivier qui était là à l'assistance technique. On vous salue bien. Voilà, c'était prog à part, l'émission du rock progressif. C'était Prog à part, une émission proposée et réalisée par Thierry Sportouche avec l'amical soutien, voilà Michel Capel, avec l'amical soutien d'Olivier Chancrin et de Jean-Louis Delacruz. Rendez-vous le dernier lundi de ce mois, c'est un lundi 30 avril de 20h30 à 22h30.